cancer. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision? L'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes. C'était des millions de créatures charmantes. Un suave concert spirituel. La force et la paix. Les nobles ambitions. Que sais-je, les nobles ambitions. Et c'est encore la vie, si la damnation est éternelle. Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je me croise en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre, pauvre innocent. L'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profonds. Un crime vide que je tombe au néant de par la loi humaine. Des âmes honnêtes qui me veulent du bien. Venez, j'ai un oreiller sur la bouche, elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu, plus de foi en l'histoire, l'oubli des principes. Je m'enterrai. Poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares comme la mer. trace, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus en monde. La théologie est sérieuse, l'enfer est certainement en bas, et le ciel en haut. Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. C'est le feu qui se relève avec son damné.